hommes ont perdu leur couleur. 7 ans de douleur, rancœur, malheur. Oh, 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. L'année à subir ce sort. Moi de ce dégoût, je veux tirer de l'or. Poète ou maudit, j'attends l'inspiration. Et je ne quitte plus cette maison prison. Ces lectures morbides, là mon sort. Fermant dans ma tête, je n'ai chassé ma raison. Liquidé, c'était quand même une...